Les mots tener et hacer sont très productifs. On les retrouve dans de nombreuses expressions. Il est essentiel de connaître ces tournures idiomatiques pour pouvoir vous exprimer et comprendre votre interlocuteur. Commençons par hacer, que l'on utilise dans des expressions de temps, pour indiquer une durée. Hace signifie donc il y a, mais aussi ça fait. Par exemple, il a appelé il y a 3 jours, llamó hace 3 días. Donc, comment diriez-vous? Il est revenu il y a 3 jours. Volvió hace 3 días. Volvió hace 3 días. Vous pouvez aussi mettre hacer en début de phrase. Vous devrez alors ajouter que. Hace 3 días que volvió. On dirait alors en français, ça fait 3 jours qu'il est revenu. Traduisez-moi maintenant, en utilisant le passé simple joueur et años pour un, ça fait 3 ans que nous ne nous parlons pas. Hace 3 años que no nos hablamos. Hace 3 años que no nos hablamos. En mettant encore hace au début de la phrase et en parlant de Carmen, comment dites-vous? Ça fait 1 heure que je l'ai vue. Hace una hora que la vi. Hace una hora que la vi. Et si vous voulez dire il y a longtemps ou ça fait longtemps, employez hace mucho tiempo. Pour il y a peu de temps ou ça fait peu de temps, utilisez hace poco tiempo. Donc, comment diriez-vous en utilisant encore le passé simple en joueur? Ça fait peu de temps que je l'ai fait. Hace poco tiempo que lo hice. Hace poco tiempo que lo hice. Et comment traduiriez-vous il l'a fait il y a longtemps? Lo hizo hace mucho tiempo. Lo hizo hace mucho tiempo. Comment diriez-vous maintenant? Ça fait 3 ans que Juan vit en Espagne. Hace 3 años que Juan vive en España. Hace 3 años que Juan vive en España. Maintenant, si vous voulez utiliser la même structure mais au passé, vous pouvez utiliser hacía, que, hein, ça faisait, que, suivi de n'importe quel verbe, autant de longueur. Imaginez que vous êtes en train de raconter à une amie le moment où vous vous êtes installé avec Juan. Et vous dites que, lorsque vous êtes arrivé, ça faisait 2 ans qu'il vivait en Espagne. Traduisez-moi cette phrase. Ça faisait 2 ans qu'il vivait en Espagne. Hacía 2 años que vivía en España. Hacía 2 años que vivía en España. On pourrait aussi employer une autre tournure et dire « vivía en España desde hacía 2 años ». C'est-à-dire « il vivait en Espagne » depuis 2 ans. Desde hacía signifie depuis et s'accorde au temps de la phrase. Au présent, on aura donc desde hace, qui s'écrit aussi en 2 mots. Desde, D-E-S-D-E, et hace, H-A-C-E. Donc, comment traduiriez-vous il vit en Espagne depuis 2 ans? Vive en España desde hace 2 años. Vive en España desde hace 2 años.